under the police. On a entendu un grand boom. Enfin, tout a pété. La police, c'est de la merde. L'armée, c'est de la merde. La justice, messieurs les jurés, c'est de la merde. La religion, c'est de la merde. La patrie, c'est de la merde. Le capital, c'est de la merde. Et à moi, toujours de la merde. Et tiens. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans le magazine libertaire sur Jet FM. Ici, on cause de l'actualité des luttes de la France et du monde qui pue et on essaie de donner la parole à ceux qu'on n'entend pas ou peu dans d'autres médias. On est là tous les mercredis de 12h05 à 13h30 en direct sur Jet FM 91.2 à Nantes et autour de Nantes et sur jetfm.fr. Vous pouvez nous contacter en direct dans le studio au 02 28 25 23 88. Sinon, vous pouvez nous envoyer aussi un mail à maglib@riseup.net. Et vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur maglib.noblogs.org. Alors aujourd'hui, nous sommes le 14 octobre. Nous allons parler, donc nous allons donner des nouvelles de la marche des sans-papiers. Et avant cela, on va écouter, on va entendre une chronique autour du week-end du soutien à Babacar, donc Babacar, Guy qui a été assassiné par la police à Rennes en 2015, début décembre 2015. Et nous allons aussi écouter une interview du comité de soutien. Alors, salut à toutes et tous. Du coup, avant de commencer, avant de passer au sujet autour de la mort de Babacar Gaye, on voulait juste vous passer une info. Il y a une nouvelle expulsion de squat aujourd'hui à Nantes. C'est le squat de l'ambassade. Si on tenait à en parler, enfin déjà on tient à en parler parce que on adresse toute notre solidarité aux personnes qui sont expulsées et qui se retrouvent à nouveau à la rue. C'est 20 personnes qui vont se retrouver là, enfin qui se retrouvent maintenant à nouveau dans la rue sans solution d'hébergement. Et on voulait aussi en parler parce que donc dans 15 jours c'est la trêve hivernale qui commence. Et comme chaque mois d'octobre, les pouvoirs publics, plutôt que de s'occuper à essayer de loger les personnes qui sont en galère, en fait, les pouvoirs publics expulsent à tour de bras. Donc là, ce matin, c'est l'ambassade qui s'est fait expulser. Il y a deux jours, c'est la commune qui se fait expulser. Il y a d'autres squats qui se sont fait expulser la semaine dernière. Et évidemment, il y a tous les squats dont on n'est pas au courant. Du coup, on vous invite à vous tenir au courant sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai cru voir passer, mais j'ai pas l'info là. J'ai cru voir passer qu'il y a une manif ou un rassemblement qui s'organisait cette semaine devant le conseil métropolitain. J'imagine que vous pouvez trouver les infos soit sur nantes.indymedia.org. Ah, on l'a, me dit-on à la technique. Oui, on va l'annoncer. Ça fait partie de nos annonces en fin d'émission. On vous en dira plus tout à l'heure. Donc voilà, et bien sûr, je le redis, on adresse tout notre soutien aux personnes qui sont en train de se faire expulser et aux personnes qui galèrent en fait avec des questions de logement. Un logement, ça ne devrait pas être un luxe et ça n'a pas l'air d'être ce que pensent les pouvoirs publics. Le sujet dont moi je voulais vous parler, c'était on voulait revenir sur l'histoire de Babacar Gaye. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle dans cette émission. Babacar Gaye, c'est quelqu'un qui s'est fait tuer à Rennes de 5 balles dans le dos par la BAC dans la nuit du 2 au 3 décembre 2015, donc ça fait 5 ans. Et il y a eu un week-end de soutien au collectif Justice et Vérité pour Babacar en septembre de cette année, donc à Rennes. Et il y avait Radio Piquez là-bas, et Radio Piquez a organisé une émission en public avec le collectif Justice et Vérité pour Babacar. Dans cette émission, ils reviennent sur ce qui s'est passé cette nuit-là et sur le combat d'Awa et du collectif pour obtenir la vérité. Et du coup, on a décidé de vous passer un extrait de cette émission aujourd'hui. Ça dure 32 minutes et on se retrouve un petit peu après. Vous écoutez Radio Piquez, la web radio 100% libre et impertinente. Vous écoutez Radio Piquez. On est en direct de l'Avenir à Brest, où a été organisé un week-end de soutien au collectif Justice et Vérité pour Babacar Gaye. Je m'appelle Kat. Je suis en compagnie de Pierre à la technique et de deux membres du collectif Justice et Vérité pour Babacar Gaye. Awa, bonjour. Bonjour. Et Tariq. Bonjour. Donc, on a prévu quelques questions. N'hésitez pas, s'il y a certaines questions qui vous emmerdent, vous avez le droit de ne pas y répondre. Et si on oublie certaines questions, vous avez aussi le droit de prendre la parole pour dire ce qui vous tient à cœur. Pour démarrer, on va revenir en fait sur les raisons de l'existence de ce collectif. Donc Babacar Gaye a été abattu par balle par la police en décembre 2015. Il avait 27 ans, c'était à Rennes. Et donc on va vous demander peut-être Awa pour commencer de raconter les circonstances de sa mort. Oui, bonjour. Je m'appelle Awa, je suis la sœur de Babacar Gaye, que la police il a assassiné à quartier Morpa le 3 décembre 2015. Babacar, ce qui s'est passé le jour-là, Babacar elle est partie chez son ami, le rendre visite, et Babacar il a décidé de passer la nuit le jour-là. Et, Babacar il s'est réveillé pleine nuit, il a pris un couteau table, il s'est mutilé. Son ami, il a appelé les pompiers pour avoir aide. Et c'est la police qui sont embarqués en mode de guerre. Ils sont 8 policiers. Il y avait 4 polices de la BAC et 4 polices nationales. Et ils ont tiré sur mon frère 5 balles, 100 fois, dans les paviers escaliers. Et Babacar, il a déjà reçu 5 balles dans les paviers d'escalier. Et les policiers, après, ils ont monoté Babacar au sol, avec les balles qu'il a déjà reçues. Eux, ils savaient que, les policiers, ils savaient que le jour-là, Babacar, elle est mort aujourd'hui. Ils ont porté plainte contre Babacar, qui est déjà mort. Moi, en tant que famille, en tant que femme noire, en tant qu'une mère, depuis 2015, je lutte pour mener le combat de mon petit frère Babacar, pour que la justice ça soit faite. C'était vraiment dire le jour que j'ai reçu le mort de mon frère. Le matin, je l'ai appris par un ami de Babacar. Et j'étais à l'école de mon fils. J'ai reçu cet appel et j'étais tombée dans le pomme. Et après, on m'a hospitalisée. Quand je suis sortie de l'hôpital, coûte que coûte, je voulais trouver mon frère pour savoir si c'est vraiment vrai. C'est mon frère qui est mort par la police ce matin. Et j'ai appelé un ami. À l'époque, je suis dans une formation pour apprendre à lire et écrire. Et j'arrive au commissariat. J'ai encore des pattes sur mon corps. Eux-mêmes, ils voyaient ça parce que j'ai porté un haut transparent. Et quand j'arrivais, premièrement, que j'ai dit la police, je suis venue avec un ami. Je ne savais pas lire et écrire. J'étais aussi dans une formation au CNPS pour apprendre langue, pour parler et lire. Les policiers, ils ne voulaient pas que Babacar... Ils ne voulaient pas, pardon, que je rentre dans ce bureau avec cette amie. Et, parce qu'ils, d'ailleurs, ils savaient très bien mon situation déjà. Du coup, j'ai insisté. Après, ils ne sont pas voulu. Moi, j'ai rentré. J'ai dit, OK, à mon ami, je rentre. Et je suis rentrée. J'ai expliqué à Babacar comment il est parti. C'est moi pour aller rendre visite à son ami. Et du coup, il y avait un policier qui s'est énervé sur moi. Il m'a hurlé dessus. Elle a dit que Babacar, il voulait tuer un policier. On l'a tué. Et j'étais encore en sursoc parce qu'il arrivait déjà dans les bureaux. On m'a montré le portrait de Babacar où elle est morte déjà. Et pourquoi on me dit le corps de Babacar? On m'a fait une sorte de chantage. Ils sont voulu se donner tout coûte que coûte les cartes d'identité de Babacar. Et moi, je viens directement à l'hôpital et commissariat. Et moi, je dis, j'ai pas. Je viens de sortir de l'hôpital. On m'a dit, on va chez toi, tu nous donnes. Mais moi, en ce moment-là, après, je passe soi parce qu'il faut que je donne les cartes d'identité pour trouver mon frère. J'arrive, c'est moi. Ils sont sortis des gants bleus, ils sont tous portés des gants, ils sont fouillés, c'est moi. Ils ont pris les dossiers médicaux à Babacar, comme tout le monde. Babacar, il prenait des cours français aussi, dans un quartier qui s'appelle Jacques Cartier à Rennes. Il prenait des cours français là-bas avec le Resto du Cœur. Et Babacar, il faisait une foot. Il fait foot parce que Babacar, elle est arrivée en 2014. Il a fait juste un an ici. Babacar, elle est sans papier. Du coup, Babacar, quand il est arrivé, il m'a demandé de faire sport dans les clubs où il y a mon fils et moi d'ailleurs, parce qu'à l'époque, j'ai fait beaucoup sport moi aussi. Et Babacar, il donnait des cours de danse aussi au Carrefour 18 à Rennes aussi. Donc, c'est une personne qui est arrivée au bout d'un an. Il fait beaucoup d'activités dans les centres sociaux et voilà, comme tout le monde. Je pris le corps de mon frère et je suis partie au Sénégal, dans mon pays. Avec mon fils, c'était vraiment dur pour moi. C'était lourd porter un corps de ton frère pour le ramener dans ton pays. Mais il fallait que je fasse ça pour enterrer mon frère dignement. Je suis retournée. Très vite, je me suis trouvée à un dossier classé sans suite. Je suis toute seule, comme la famille, qui ne sait pas lire et écrire, qui ne sait pas bien parler français à l'époque. Donc c'est quand tu es revenue en France, après l'enterrement de ton frère, que... Ils sont classés dossier sans suite. J'ai décidé de retourner en France parce que je suis chez moi. En France, il nous appartient. C'est nous qui avons battu face des Allemands. Si ce n'est pas grâce à notre grand-parent, aujourd'hui, tout le monde parlait des Allemands. Mais on ne nous respecte pas. Mon frère, elle est sans papier au départ. J'ai fait tout pour qu'elle ait des papiers. Quand on vient ici, on galère pour avoir des papiers. Où on nous tue comme des mousses, on est écrasés comme des mousses. On doit avoir un respect. Parce que toutes les matières premières qui viennent en Afrique, on ne dit pas ça, c'est immigré. Mais quand on était là, physiquement, on nous appelle des immigrés. Ça, ce n'est pas normal. Les cafés, les uraniums, le pétrole, tout, ça, matière première, ça vient ici. C'est nous qui payons les États ici. C'est l'État qui nous tue. Nous, on n'a pas besoin des policiers qui nous écrasent, qui nous tuent. On n'a pas besoin de ça. Babacar, c'est une personne qui mérite on le soutenir le jour-là. 8 policiers qui sont bien formés, qui sont arrivés en mode de guerre, ils ont tiré sur Babacar 5 balles 100 fois, comme un chien. Même un chien, quand on le tue à cette manière-là, on ouvre une enquête. Mais ils ne sont pas faits. C'est un racisme d'État. Ils sont arrivés, ils ont vu Babacar, elle est noire. Ils ne savent pas le maîtriser. Si Babacar, elle était blanche, on va le maîtriser. On ouvre une enquête pour savoir pourquoi cette personne se mutilait. Mais ce n'est pas le cas de Babacar. Ils ont décidé de l'assassiner parce qu'ils ont bloqué Babacar dans les descentes d'escalier et en haut les escaliers. Ils ont vraiment décidé, ils ont voulu sa mort le jour-là. Ils ont dit que Babacar, il avait les regards bizarres. Ça veut dire qu'ils ont peur ou ils ont fait aussi peur à Babacar. Pourquoi ils ont fait peur à Babacar? Ils sont 8 policiers. Ils ne sont pas déplacés sans matériel qu'il faut. Ils ont tous les matériels avec eux pour maîtriser Babacar. Mais ils ne sont pas chassés le maîtriser. Ils ont voulu sa mort le jour-là. Depuis le 3 décembre 2015, je me lutte. Et grâce au débit, le collectif, à l'époque, ça n'existait pas encore. Mais j'étais allée soutenir des sans-papiers dans une association qui s'appelle CAP à Rennes. Babacar aussi, des fois, il vient avec moi là. Et c'est eux qui sont décidés le jour-là à faire une marche commémorative pour rendre hommage à Babacar. C'est le jour que j'ai pris le corps de Babacar pour partir. Eux, ils ont décidé de faire ça derrière moi. Et après, quand je suis rentrée, j'ai décidé de monter un collectif qui s'appelle « 16 vérités pour Babacar » avec des gens de Rennes qui me soutient depuis au début, et des autres familles victimes, parce qu'on est plusieurs familles qui luttent pendant des années. Et la plupart de nous, on se trouvait avec un dossier classé sans suite, les familles. Il y a des familles qui se trouvaient aussi en non-lieu. Il y en a beaucoup. Et ça, ce n'est pas normal. La moindre chose, les familles-là, ils méritent avoir des procès. Après, j'ai demandé une expertise balistique. L'année dernière, j'ai demandé une expertise balistique. En 2017 déjà. En 2017. Parce que c'était important que je demande une expertise balistique. Que dès au début, les policiers, ils sont mentir. Dit que c'est une légitime défense. Or qu'il n'y a pas de légitime défense. Depuis au début, je refuse d'attendre ça. Parce que c'est faux, axi faux. C'est des menteurs. J'ai refusé ça depuis au début. Et je connais mon frère. Je sais qui est Babacar. Avec l'expertise balistique que j'ai demandée, qui a révélé aucune balle, il n'a pas venu face de Babacar. Babacar, il a reçu une balle par les fesses gauches. Il a reçu 4 balles haut de son corps. Ils ont tiré Babacar tout derrière. Là, il n'y a pas légitime défense. Il n'y a pas du tout légitime défense. Et tous les matériels, les preuves matérielles qui sont gardées dans les scellés, ils ont dit que c'est détruit par une erreur. Et s'ils ont raison sur Babacar, tous les preuves matérielles, ils n'ont pas droit à disparaître. Ils ont droit à le garder précisément. Mais non, ils n'ont pas fait ça. Parce qu'ils savent qu'ils sont torts, ils ont tué, assassiné un innocent. Ils savaient qu'ils sont assassinés, ils sont innocents. Si les policiers là, ils connaissent avoué, ils savaient le connerie qu'ils ont fait, ça ne se fait pas. Personne n'a pas mérité mourir dans les mains des policiers. Ça soit noir, arabe ou de Rome, ou vous les peuples français. Personne n'a pas mérité d'être assassiné à cette manière-là. Personne. Babacar, il fait du mal à lui-même, il se mutilait. Faisait une crise angoisse. Il a mérité on le soutenir, mais ils ne sont pas censés l'aider. Pourtant, son ami, il a appelé les pompiers. Pourquoi les pompiers, ils sont arrivés avant? Ils ne sont pas censés à monter. Les polices, ils sont arrivés, ils sont partis en mode de guerre. On l'a tiré dessus. Ce n'est pas normal. Et là, tous les nouveaux éléments qui sont importants, moi, je continue à creuser pour continuer à avoir de la vérité. Je sais déjà la vérité. Je sais qu'ils ont assassiné mon frère comme un chien. Mais je continue. Parce que moi, je suis un enfant tiraillé sénégalais. Je suis fière de moi. Malgré ma difficulté française, aujourd'hui, je suis très contente de moi parce que pour lutter pour mon frère et pour montrer les autres familles victimes, on est tous forts. On est tous des lions. Il faut qu'on continue de se lutter, de se battre. Parce que les policiers, là, si on se laissait faire, c'est les versions à eux qui continuent à circuler. Les mensonges totaux. Ils ne sont pas, même pas honte. Le monde entier, ils attendent les travail dégueulasses qu'ils sont en train de faire sur les gens. Ils ne sont pas, même pas honte. Moi, je n'ai pas peur de eux. Je suis seule ma famille. Mais aujourd'hui, je ne sens plus seule. Je suis avec toute ma famille ici maintenant. Toutes les familles qui me soutiennent, tous les gens de Rennes, à Grenoble, partout en France. Les gens, ils se lèvent pour mon soutien. Parce que tout le monde sait que ce n'est pas normal, on assassine. Les personnes, ils meurent par l'armée de police. Maintenant, je demandais une morpho-analyse de sang dans les casiers d'escalier où ils ont assassiné Babacar, comme un chien. Et j'attends les résultats. Je demandais une reconstitution des faits, qui est la date qui arrive là bientôt. Ça va être le 24 septembre. J'appelle à toutes les familles victimes, à tous les peuples français, venez me soutenir. Qui, eux, ils sont là pour toujours mentir. Samedi qui arrive, j'appelle tout le monde aussi, venir parce que je veux faire une conférence de presse en public. Samedi 19 septembre, c'est ça? Vous avez l'heure? De la conférence de presse. Tu sais, toi, Tariq ? J'ai pas encore mis l'heure parce que je veux annoncer l'appel ce soir. Ok. Ouais. Bon, on guette sur le site internet. Exactement. Ouais, la page Facebook, c'est Justice et Vérité pour Babacar Gaye. Normalement, ce soir, on aura les derniers détails et il y a du monde qui travaille là-dessus et ça demande beaucoup d'organisation. Voilà. Et les policiers là, moi je veux les reconstitutions des faits. Ma demande c'est clair et net. Je veux tous les policiers qui sont appliqués le mort de mon frère. 8 policiers là, ils viennent le jour là, le jour de reconstitution des faits. Et les pompiers et les SAMI, parce qu'ils sont racontés n'importe quoi comme d'habitude. C'est des menteurs, c'est des vrais assassins. Comment tu osais assassiner quelqu'un qui fait du mal à lui-même et après tu le portais plainte contre lui. On est où? Mais tout ça, moi j'ai compris bien depuis au début, malgré que je ne peux pas parler français à l'époque comme il faut. Je sais que c'est pourquoi on me fait du peur. Mais moi je n'ai pas peur d'eux, c'est au contraire, c'est eux qui ont peur de moi. Je n'ai pas peur d'eux. Comme ils ont dit à Babacar, ils ont dit quand ils sont arrivés, Babacar il a des regards bizarres. Ils ont fait, ça veut dire qu'ils ont fait peur à Babacar. Pourquoi ils ne sont pas chassés, le maîtriser? Ils ont tous les matériels qu'il faut. Ils ont tous les matériels qu'il faut. Moi, je ne laisse pas et je ne pardonne pas. Le combat est continué et je suis prête à continuer à soutenir toutes les familles victimes et tous les gens qui sont subis par les violences policières. Je répète, je suis un enfant d'Israël sénégalais. Je suis fière de moi. C'est mes grands-parents qui sont bâtis pour la France. On doit nous donner le respect qu'on a. Nous, on est riches. Tous les immigrants qui viennent ici, personne ne dort pas dans son pays d'or. Personne. Tout le monde, ils sont de maison. Personne ne dort, jamais dort. On vient ici, pourquoi? On vient pour mener notre vie. On nous a arraché tout qu'on a là-bas. Si on nous laissait avec ce qu'on a, qu'est-ce qu'on fout ici? On va rester, c'est nous. Et c'est eux qui nous provoquent, c'est eux qui nous écrasent, c'est eux qui nous tuent, c'est eux qui nous poisonnent. L'État français, c'est un État raciste. Tout simplement. Ça fait donc 5 ans que tu te bats, que le collectif se bat. Y a non seulement ce que tu as tout dit de les versions contradictoires de la police, multiples, mais il y a aussi, en fait, au niveau de la justice, il y a aussi y a des avocats. Et je crois que ça est compliqué aussi, toute ouais. L'histoire avec les avocates. On a eu plusieurs. Bah, du coup, je suis dans mes 2/5 avocats parce que j'arrête pas à changer des avocats comme des t-shirts. Parce que pourquoi? Moi, Awa, j'ai besoin un avocat qui travaille bien dans mon dossier avec moi. Normalement, tout le monde sait mon situation. Au début, on devait me soutenir. Les États, s'ils sont honnêtes, ils sont devaient me soutenir, me trouver quelqu'un qui me traduire pour que je travaille dans mon dossier. Mais non, c'est moi qui est mon propre expert, c'est moi mon propre avocat. Pour dire ça, c'est pas normal, ça, c'est pas normal. Et du coup, je n'arrête pas de changer les avocats. Et c'est compliqué. Aujourd'hui, on fait des t-shirts, parce que des avocats, ça coûte cher. On fait des t-shirts et des pulls. On vend ça pour arriver à payer des avocats. Et aussi, on a installé une cagnotte en ligne sur Internet. Et ça m'aide aussi tous les déplacements que j'ai faits autour de France. J'ai allé à Lyon, j'ai allé à Grenoble, j'ai allé beaucoup d'endroits en France. Et jusqu'en Allemagne aussi, on m'a invité à venir en Allemagne. J'étais allée avec mon fils aussi, mais parce que pourquoi j'ai accepté d'aller, ils ont assassiné un Guinéen dans son cellule au commissariat. On l'a trouvé brûlé, cramé. Et ils ont dit que Wery Diallo, c'est lui qui se brûlait tout seul avec son briquet. On ne peut pas rentrer dans le cellule avec même pas une ceinture, même pas une soucette. Comment ça, du coup, j'étais allée pour soutenir cette famille-là, son frère qui est venu en Guinée pour lutter pour son frère. Donc, voilà. Tu as été étonnée, finalement, quand, à la mort de ton frère, quand il y a eu des gens qui se sont mobilisés de manière assez spontanée. Ouais. Et du coup, ça montrait déjà qu'il avait beaucoup d'amis. Babacar, il avait beaucoup d'amis, malgré qu'il a fait un an seulement ici, sans papier. On a fait des démarches, nous deux, mais c'était vraiment compliqué. C'était pas facile du tout. Et il est venu par la mer, comme tout le monde, longue trajet. Et malheureusement, on l'a assassiné par la main de la police. Et c'est pas normal, du coup, moi je lutte parce que le policier qui a assassiné Babacar, il a demandé une mutation, il continuait son travail comme s'il n'y a rien été. Et ça, c'est pas normal. Tant que les enquêtes n'ont pas fini, il n'a pas droit de porter aucune arme. C'est quoi le travail du collectif Justice et Vérité pour Babacar Gueye au quotidien? Tariq, peut-être, si tu veux. Ça, c'est Tariq qui répond, qui est dans les collectifs. Alors, le collectif s'est constitué assez vite par les personnes qui connaissaient Babacar. Et d'abord, au tout début, moi, j'en faisais pas partie à ce moment-là. Moi, je suis arrivé en 2016, mais il y a une première marche qui était sous forme de marche blanche, une marche d'indignation qui avait été organisée par les proches de Babacar. Et Awa a découvert à ce moment-là que Babacar, il était lié avec plein de monde. Il a passé qu'un an à Rennes et en fait, la vie fait qu'on rencontre du monde et clairement, lui, il l'avait rencontré et avait des relations avec des tas de gens de plein d'univers différents qui se sont retrouvés choqués et qui avaient besoin de s'exprimer. Et donc ils ont organisé la première marche pour Babacar à laquelle Awa n'a pas pu assister puisqu'elle avait accompagné son frère, la dépouille de son frère au pays. Le collectif Vérité Justice pour Babacar a d'abord pour objectif de soutenir le combat de Awa. Donc le premier membre du collectif Vérité et Justice pour Babacar, c'est d'abord Awa. Et moi, je l'ai rejoint par exemple en 2016 à l'occasion de la deuxième marche. J'avais assisté à la marche et je me suis dit, il y avait un sentiment de nécessité. Et je pense qu'on s'est toutes les personnes qui se sont retrouvées dans le collectif, c'est ce sentiment de nécessité qu'on partage. L'indignation, l'impunité, tout ça. C'est quoi le travail du collectif? C'est de soutenir Awa dans tous les aspects de la lutte. Et il y a un premier... Le premier aspect, c'est dit dans le... dans le nom, justice et vérité. Alors, justice, c'est rappeler à chacun un principe de justice. On ne parle pas de l'institution judiciaire, hein, on parle du principe de justice. Alors moi, je fais partie d'une génération où les Black Panthers avaient laissé beaucoup de traces avec « No justice, no peace ». Et j'y crois vraiment, et on ne peut pas vivre ensemble s'il n'y a pas un principe de justice qui s'opère. Et vérité, là, c'est donc soutenir Awa dans son combat judiciaire, lui permettre d'avoir des moyens, d'organiser des événements pour récupérer de l'argent. Le combat judiciaire coûte très très cher. En France, si on veut se battre sur ce terrain-là, faut avoir de l'argent. Et en face, les flics, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont l'État, ils ont les syndicats policiers. Awa, sans la mobilisation de soutien de personnes, de collectifs, il n'y aurait pas possibilité de se déplacer, d'agir, de payer des avocats. Et un avocat, il faut le payer pour avoir des actes, pour verser au dossier. Et là, on arrive à la deuxième, le deuxième item, on va dire, du nom. C'est vérité. Eh ben oui, parce que dans les crimes judiciaires, la première des versions, c'est et souvent qui est relayée, c'est celle des policiers, qui est relayée par l'État, souvent par le procureur de la République, et est relayée par tous les médias. Et souvent, ça salit le nom. Et à l'horreur de la mort, la douleur de la mort, se rajoute en plus la mémoire entachée. Et c'est juste insupportable pour les familles d'entendre déverser des mensonges au sujet des personnes qu'elles ont perdues dans ces circonstances-là. Et donc, faire connaître l'histoire de Babacar, organiser des événements pour que, comme celui-ci, pour que Awa puisse s'exprimer et rétablir la vérité pour qu'elle se mette en concurrence avec les mensonges qui ont été dits au début. Et ça, c'est important parce que c'est ça qui permet, à mon sens, de rester debout. Et ça, quand on rencontre les familles de victimes, comme vous voyez avec Awa, c'est ça qui tient debout déjà et qui permet de continuer la lutte. Voilà, c'est les deux, on va dire les deux raisons. Le traitement médiatique qu'il y a eu autour de la mort de Babacar Gaye et le combat, d'une manière générale, du collectif, qu'est-ce que vous en pensez ? Le moment où je suis retournée en France, si je n'ai pas courage à continuer de lutter, aujourd'hui, l'affaire de mon frère il tombe dans l'oubli. Mais c'est moi qui ai envie et aussi je veux la vraie justice si ça existe en France. Je veux la justice, si vraiment la vraie justice ça existe en France. En tant que famille, quand tu as envie de lutter, et là, les collectifs, ils sont debout, ils sont derrière moi, les familles victimes, des autres gens qui me soutiennent, qui ne sont pas forcément dans les collectifs. Et vraiment, ça me donne beaucoup de courage encore à continuer mon combat. Vraiment, ce n'est pas facile, mais... Il y a beaucoup de familles et vraiment qui sont restées terres aussi, qui sont en peur parce qu'ils sont subis des pressions des policiers. Moi aussi, j'ai subi des pressions de la police, mais je me tiens toujours debout et forte et fière de moi. Et c'est avec ça que je vais avoir beaucoup de gens qui sont derrière moi, que je peux dire qu'aujourd'hui, c'est ma famille près de moi. Et ça, je suis très, très contente. Parce que même ma famille, quand on m'appelle, je dis, j'ai ma famille ici qui me soutient. Et c'est la vérité. Alors, le traitement de médiatique, pour revenir à la question aussi, c'est que dans les premiers cas, dans les premiers temps, il y a une constante, c'est souvent traité comme un fait divers. Et souvent, c'est traité comme une chronique policière. C'est une mode en France, mais dans pas mal de pays où il y a la presse. Et souvent, c'est instrumentalisé pour signifier l'insécurité ou illustrer l'insécurité dans un quartier populaire, machin. Le traitement médiatique concernant Babacar, eh ben, très tôt, c'était un traitement médiatique qui n'était pas très fort. Mais en tout cas, il était très aligné sur la version policière. En gros, c'était le procureur a dit, et le procureur dit ce que les policiers ont dit. Et donc, ça s'arrête là. Donc, levez le banc, il n'y a rien à voir, on passe à autre chose. Et en fait, il y a eu toute une phase où, quand on organise chaque année autour de début décembre, autour du 2 et du 3 décembre, une marche. Cette année, ça va être la cinquième et ça aura lieu le 5 décembre à Rennes. Et à chaque fois, il y a la presse locale qui ressort les articles et on remarque qu'entre les premiers articles des premières années et aujourd'hui, il y a eu un changement dans le discours qui est tenu dans la presse et qui est clairement dû au combat d'Awa. Aujourd'hui, ils gardent les dires des policiers, mais ils mettent les éléments que Awa défend. Et il y a de plus en plus des articles un peu plus équilibrés qui se font. Et ça se fait avec une lutte acharnée. Et la couverture médiatique de la marche de l'année dernière, puisque l'année dernière, on a fait une conférence de presse. Ça fait 2 ans qu'on organise une conférence de presse pour se battre sur ce terrain-là. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'il y a eu un infléchissement et on a commencé à avoir des bons papiers. Et puis... la réalité, c'est que en 2016, il y a eu la mort d'Adama Traoré aussi, qui le fait que eux, à la différence de Awa, c'est une famille qui était inscrite dans un quartier où la famille se connaissait. Ils se sont défendus tout de suite. Ils ont, je ne sais pas si vous vous souvenez, ils se sont battus sur le terrain médiatique dès le début. Et c'est comme ça qu'ils ont arraché le doute dans l'opinion publique et qu'ils n'ont pas laissé. Et donc, il y a eu aussi des journaux qui ont commencé à s'intéresser aux autres crimes policiers. Alors, c'est pas dans les journaux, on n'utilisera jamais le terme crime policier, mais vous verrez que depuis quelques années, on utilise le terme violence policière. C'est quelque chose qu'on a réussi, que Awa et toutes les familles de victimes depuis 2016, 2017, 2018, il y a des marches annuelles à Paris qui se font qui se passe en mars. Hein. C'est autour de la journée internationale contre les crimes d'État et les crimes de la police. Il y a une journée internationale pour ça. Et chaque année, elles se réunissent. Et petit à petit, à force de beaucoup d'efforts, elles ont imposé la question des violences policières qui, au moment de l'arrivée des Gilets jaunes, est arrivée sur le devant de la scène. Et après le confinement, on a vu comment elle est arrivée même au tout premier plan de la scène médiatique à partir du 2 juin où Awa était aux côtés de Assa Traoré devant le TGI. Et de nombreuses victimes, de familles de victimes ce jour-là. Donc voilà, et sur le terrain médiatique, il y a aussi quelque chose d'intéressant aussi, c'est que on a vu émerger des nouveaux médias. Je pense à Basta Mag, Street Press, des radios comme la vôtre, qui ont vu les enjeux qui se passaient et qui travaillaient la société française clairement, tout le monde en parle, et pourtant les grands médias, les grands journaux n'en parlaient pas. Et je pense qu'il y a eu et là encore, c'est le travail des familles de victimes qui a permis ça. Vous êtes de retour dans l'émission du magazine Libertaire en direct sur Jet FM 91.2 à Nantes et jetfm.fr sur Internet. On vient donc d'écouter un extrait d'une émission de radio réalisée par Radio Piquez avec le collectif Justice et Vérité pour Babacar. Radio Piquez, c'est une web radio associative et vous pouvez l'écouter sur www.piquez.space. Piquez, ça s'écrit P-I-Q-U-E-Z et Space S-P-E-Z. P-A-C-E, donc www.piquez.space. Et si vous voulez écouter cette émission en entier, on peut vous la retrouver dans la rubrique interview donc, du site dont je viens de parler. On rappelle donc, comme ça a été dit dans le son, que comme tous les ans, il y a une marche Justice et Vérité pour Babacar qui se tiendra le samedi 5 décembre à Rennes. Et vous trouverez toutes les infos sur cette marche et sur le collectif, sur la page Facebook Justice et Vérité pour Babacar. Avant de passer à la suite du programme, on va écouter une chanson. Cette chanson, elle était dans l'émission que vous venez d'écouter, mais du coup, on a coupé, elle était en fin d'émission. Ça s'appelle « Rebelle » et c'est une chanson de Lauryn Hill. Okay. Yeah. All right. find it hard to say that everything is all right. Don't look at me that way, like everything is all right. 'Cause my own eyes can see false pretenses, but what you fail to see is all the consequences. You think our lives are cheap and easy to be wasted as history repeats. Taste it. And while the people sleep, too comfortable to face it, his life so incomplete, and nothing can replace it. People sleep, too comfortable to face it. Your life's so incomplete, and nothing can replace it. Fret not thyself, I say. These laws of man, 'cause like the Bible says, his blood is on their hands. And what I gotta say, and what I gotta say is rebel. Today is still today. Choose well. And what I gotta say is rebel. It can't go down this way. Choose well, choose well. And what I gotta say, and what I gotta say, and what I gotta. heart is wailing. Are you satisfied? Are you satisfied, rebel? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, rebel. Du magazine Libertaire sur JetFM 91.2 à Nantes et autour de Nantes et sur jetfm.fr. Donc maintenant, on va parler de la marche nationale des sans-papiers. Alors, on rappelle que cette marche, des sans-papiers ont marché donc à partir du 19 septembre dans les quatre coins du pays pour atteindre Paris. Donc, c'était à l'appel de 20 collectifs de sans-papiers, de la marche de solidarité, des états généraux des migrations et de plus de 230 organisations. Donc, ils vont atteindre Paris ce samedi 17 octobre, avec le slogan de toutes les villes, de tous les foyers et de tous les quartiers, on marche vers l'Élysée. Alors, on peut rappeler que cette marche, elle fait suite à deux autres actes qui ont eu lieu cette année, depuis le 30 mai. Là, le 30 mai, il y a eu des milliers de sans-papiers et de soutien qui ont bravé l'interdiction de manifester à Paris et dans plusieurs autres villes. Et le 20 juin, il y a eu des dizaines de milliers de sans-papiers qui ont manifesté à Paris, Marseille, Lyon, Lille, Rennes, dans de nombreuses villes. Mais Macron n'a eu aucun mot pour les premiers, ce qu'on appelle les premiers de corvée, aucun mot pour les sans-papiers exploités dans les pires des conditions ou perdant leur emploi, sans chômage partiel, pour les personnes qui sont retenues dans les CRA, vivant à la rue ou dans les hébergements souvent précaires et insalubres. Donc cette marche-là qui est partie le 19 septembre, elle fait suite à tous ces mouvements qui ont eu lieu et qui n'ont eu aucune réponse de la part du gouvernement. Et donc toutes les marches arriveront à Paris, toutes les marches de la France arriveront à Paris le 17 octobre. Parce qu'il s'agit de liberté et de solidarité, donc nous manifesterons le 17 octobre en hommage à toutes les victimes du colonialisme, du racisme et des violences de la police, en hommage à toutes les victimes des politiques anti-migratoires et des contrôles aux faciès. Pour rappeler aussi, le 17 octobre, ça fait référence au 17 octobre 61, où plusieurs dizaines d'Algériens sont morts à Paris suite à la répression policière alors qu'ils manifestaient contre un couvre-feu. On peut retrouver d'ailleurs, si vous êtes intéressé par le 17 octobre 61, on avait fait des émissions à ce sujet qui doivent être en ligne sur notre blog. Donc du coup, vous pouvez venir nombreux et nombreuses accueillir les marches et les accompagner dans Paris. Il y a 3 entrées de marcheurs et marcheuses dans Paris en cortège qui iront jusqu'à République. Donc à 10h à Saint-Denis, métro Porte de Paris, avec un passage vers 11h, Porte de la Chapelle. À 10h toujours Porte de Montreuil. À 10h, Porte d'Italie. Et la manifestation nationale vers l'Élysée est à 14h au départ de Place de la République. Donc la préfecture de police de Paris a accepté que les marches de sans-papiers venues de tout le pays convergent à la Place de la République, donc le 17 octobre, et qu'une manifestation parte ensuite de cette place à 14h, mais elle refuse que cette manifestation aille vers l'Élysée. Du coup, j'ai entre les mains un courrier de réponse donc des personnes, des collectifs de soutien, des personnes qui sont dans ces marches de solidarité, donc en réponse au dépôt de manifestation donc du 17 octobre. Je vais le lire tout de suite. Donc, monsieur, votre parcours déposé avec un rassemblement Place de la République pour rejoindre la place... Alors, attendez, j'ai loupé une phrase, excusez-moi. Je recommence. Monsieur, dans un courriel adressé à la Marche des Solidarités, en réponse à notre dépôt de manifestation du 17 octobre, vous écrivez « Votre parcours déposé avec un rassemblement Place de la République pour rejoindre la Place de la Concorde, après avoir emprunté rue du Temple, rue de Turbigo, rue Beaubourg, rue du Renard, rue de la Coutellerie, avenue Victoria, Place du Châtelet, pour participer à la commémoration du 58e anniversaire du 17 octobre 61 et continuer par la rue de Rivoli, ne peut être accepté. Il semble que vous voulez tout changer pour que rien ne change. Il y a quelques mois, vous preniez prétexte de la crise sanitaire pour nous inviter à annuler une manifestation organisée par les collectifs de sans-papiers et la marche de solidarité. Cette manifestation s'est pourtant tenue. Le recul de l'épidémie dans les semaines suivantes a démontré à quel point imposer notre droit à manifester n'était pas contradictoire avec la lutte contre la propagation du virus. Nous en avions déduit que les raisons de l'interdiction n'étaient pas sanitaires, mais politiques. Alors que l'épidémie a repris, vous nous avez abandonné, vous avez abandonné vos anciens arguments. Vous parlez même de nécessité de l'exercice du droit à manifester. Tout a changé, il semble. Vous ne nous interdisez donc pas de manifester, mais rien n'a changé. Ce que vous remettez en cause, c'est l'objet même de notre manifestation. En effet, comme nous vous en avions informé avant même le départ de la première marche à Marseille le 19 septembre, des sans-papiers et soutiens marchent depuis plusieurs semaines dans des conditions parfois difficiles, venant des quatre coins du pays avec l'objectif déclaré d'aller vers l'Élysée. Et l'espoir qu'enfin il et elle soient entendus par le président de la République. Vous dites que le parcours final pour aller de la place de la République au centre de Paris vers l'Élysée ne peut être accepté. Et c'est sans doute avec le même type d'humanité qui guide les politiques antimigratoires des autorités dont vous dépendez que vous proposez comme alternative un rassemblement statique à République ou un trajet de manifestation partant d'abord vers l'Est parisien pour aller ensuite à Stalingrad. Comprenez-vous le mélange de mépris et de violence de cette proposition ? Violence de nous proposer l'exact opposé de ce que nous demandons. Mépris de considérer que les seuls quartiers où nous soyons habilités à manifester sont ceux où nous habitons, les quartiers populaires. Quand l'objet de cette marche est de nous faire entendre par ceux qui n'habitent pas nos quartiers et pour qui gouverner notre vie, c'est la détruire. Ce mépris et cette violence sont par ailleurs renforcés par l'absence totale de réponse du président de la République à la lettre que nous lui avons envoyée. C'est une drôle de démocratie, celle qui se part de la défense de l'ordre public pour justifier que la population ne peut aller manifester là où se trouvent les lieux de pouvoir. C'est un bien étrange droit de manifester que celui dont le périmètre est déterminé par ceux qui détiennent le pouvoir. Comme vous le savez pourtant bien, ce ne sont jamais les manifestations du mouvement des sans-papiers qui sont un trouble à l'ordre public. C'est bien plutôt l'ordre qui en fait des sans-papiers sans droit, qui est un trouble pour toute la société. Vous comprendrez, monsieur, que dans ces conditions, nous ne pouvons pas plus accepter votre proposition que nous ne pouvions accepter il y a quelques mois, voire votre invitation à annuler notre manifestation. Nous maintenons donc notre projet de manifester le samedi 17 octobre pour aller vers l'Élysée, avec ou sans papier, appuyé par 270 organisations de tous ordres. Nous le maintenons plus que jamais au moment où un rapport de Médecins sans frontières vient de montrer l'extrême urgence d'un logement décent pour tous et toutes et de l'accès de toutes et tous aux mêmes droits. Nous sommes par ailleurs ouvertes à toute suggestion permettant d'améliorer notre dispositif pour garantir les meilleures conditions à l'expression de nos exigences. Veuillez recevoir, monsieur, l'expression de toute notre détermination à marcher vers l'Élysée. Donc voilà, donc ça c'était la réponse à la préfecture de police qui interdit donc le désir d'aller manifester jusqu'à l'Élysée samedi prochain. Pour rappeler, vous pouvez avoir... moi, j'ai eu des informations sur le blog de Mediapart, hein, qui sont en ligne sans abonnement, vous pouvez consulter sur Mediapart Blogs, au pluriel .mediapart.fr/marche-d-solidarité. Et vous pouvez avoir donc toutes ces informations-là, et aussi pour les personnes qui veulent rejoindre donc les marches à Paris, samedi. Il y a des bus qui sont mis en qui sont affrétés en fait, qui vont partir de plusieurs villes de France, et dans l'Ouest, il partira du côté de Rennes samedi matin. Donc je vous invite à vous renseigner, à, voilà, à faire circuler l'information aussi autour de ces marches des solidarités. Et je pense qu'on redonnera des nouvelles dans les semaines qui viennent. Freedom, I don't need 'em. Where'd you read 'em? This one needs a brand new read 'em. Weed and the key. Weed and the key into life. Let's beat 'em. Weed 'em smartphones, don't beat 'em. Borders, what's up with that? Politics, what's up with that? Police shots, what's up with that? Identities, what's up with that? Your privilege, what's up with that? Broke people, what's up with that? Broke people, what's up with that? The realness, what's up with that? The new world, what's up with that? I'm gonna keep up on all that. Guns blows doors to the system. Yeah, fuck 'em when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is no Southeast and Western. Yeah, guns blows doors to the system. Yeah, fuck 'em when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is no Southeast and Western. Solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. Yeah, guns close doors to the system. Yeah, fuck them when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. We representing peeps, seven players on the app. And we're talking in our sleep, just to listen on the system. We're sitting on the stoop, where we get our scoop. This is how we keep it cool and this is how we do. We representing peeps, seven players on the app. In the sleep, just to listen on the system. We're sitting on the stoop, where we get our scoop. This is how we keep it cool and this is how we do. Eagles, what's up? Vous êtes de retour au direct du magazine Libertaire. Donc, on vient d'écouter Mia, une chanson qui s'appelle Borders en anglais. Du coup, ça veut dire en français frontière. Et c'est l'heure de passer aux annonces. Alors, la première annonce, ça se passe, c'est même deux annonces en même temps, ça se passe demain. Et c'est une soirée de soutien au carnet et au village du peuple. Et en parallèle, il y a aussi une soirée de présentation du carnet, toujours, et du village du peuple. La soirée de soutien, c'est à la dérive. En fait, j'ai gardé mon masque, du coup, je pense que c'est compliqué de m'entendre et je galère à parler. Donc, la soirée de soutien, elle est à la dérive, et la à Nantes, donc. Et la soirée de présentation, elle est à Rennes. Et pour celles et ceux qui n'ont pas encore entendu parler du village du peuple et du carnet, le carnet, c'est 110 hectares, dont la moitié sont en zone humide et donc très riche en biodiversité. Et qui risque d'être bétonné. Donc, des habitants et habitantes, des occupants et occupantes résistent à la destruction de ces habitats. Et de l'autre côté de la Loire, donc c'est au bord de la Loire, le carnet, et de l'autre côté de la Loire, il y a Donge. Et à Donge, il y a un projet d'extension de la zone industrielle qui est prévu. Le village du peuple résiste là-bas depuis un an et demi à ce projet. Et notamment un projet qui prévoit de bétonner 60 hectares de terres humides, arables, de bois et de pâturage. La CAREN, qui est la communauté de communes de Saint-Nazaire et alentour, tient à ce projet, alors que 9 sites Céveso sont déjà présents autour de Donge. Et qu'une entreprise qui a des vues sur l'extension du site a d'ores et déjà demandé des dérogations en termes de risque d'incendie et d'émission de poussière. Donc voilà, c'est donc sur au carnet, il y a une ZAD, une zone à défendre qui s'est installée et le village du peuple, il est occupé donc comme on le disait tout à l'heure depuis un an et demi. Donc je redis, il y a une soirée de soutien ce soir à la dérive, c'est 1 rue du Guérobert à Nantes et une soirée de présentation à Rennes au bar Babazoula. L'annonce suivante, c'est à partir de vendredi. Ça dure une semaine. C'est une semaine de chantier énergie à la grange de Montabeau. Dans le 50, c'est la Manche, le 50 ? Ouais, dans la Manche. Alors, à un chantier énergie, je vais vous lire en fait la présentation. Un chantier énergie, mais c'est pas parce qu'on en manque. Ce qui manque et amène à cette semaine de chantiers participatifs autogérés et collectifs, c'est le constat de lacunes sur les réalisations concernant l'autonomie énergétique à l'échelle locale. À la grange qui existe depuis fin 2012 suite à une lutte anti-nucléaire et anti-THT, il nous paraît important d'apporter des éléments de réponse sur ce que représente l'utilisation de l'électricité. Ce moment partagé tentera d'éclaircir pourquoi on l'utilise, pourquoi on la critique, pourquoi on refuse d'être connecté au réseau transcontinental, comment on peut créer son propre réseau et pourquoi ou comment on met le feu au compteur Linky. Nous tenterons de mettre en place un système qui permettra de coupler l'énergie du vent et celle du soleil. Nous parlerons de stockage d'électricité, d'éoliennes autoconstruites, d'illusions renouvelables sur fond de crise climatique, de transition énergétique historique, d'équilibrage d'un réseau de transport, de désertion du confort de la production d'énergie. Donc voilà, je ne vais pas vous lire tout le programme parce que c'est long, mais vous pouvez le retrouver sur le site nantes.indimedia.org. Et du coup, je redis, c'est à partir de vendredi, donc 16 octobre, et c'est jusqu'à samedi 24 octobre, donc dans la Manche, à la Grange de Montabeau. Et toi, tu avais d'autres annonces Voilà, ça y est, je suis en ligne. Voilà. Donc, j'ai une autre annonce. Donc, l'annonce dont on parlait tout à l'heure... qui s'intitule Rassemblement Personnes à la rue. Donc, c'est vendredi 16 octobre à partir de 8h. Il y a un rassemblement devant le conseil, un appel à rassemblement devant le conseil métropolitain à la Cité des Congrès de Nantes. Parce que l'urgence, toujours pour les sans-abri et les mal logés, face à la saturation des dispositifs d'hébergement et à la reprise des expulsions, l'intercollectif nantais Personnes à la rue, donc l'intercollectif, ça doit être plusieurs. Un rassemblement de plusieurs associations et collectifs, donc alerte sur les autorités et la société civile sur la gravité de la situation afin que des réponses concrètes soient apportées immédiatement Avec la perpétuelle saturation des dispositifs d'hébergement, la situation des personnes à la rue et en habitat précaire sur la métropole nantaise est extrêmement préoccupante. Environ 140 personnes sont particulièrement vulnérables et sont mises à l'abri à la maison du peuple, à la maison des familles et dans d'autres squats soutenus par le collectif. 200 personnes environ sont réfugiées dans d'autres squats, et ce, sans compter tous ceux qui ne sont pas ou peu connus par les collectifs. Ces lieux sont tous menacés. Les expulsions extrajudiciaires se multiplient, avec souvent menaces et violences préfigurant les dispositions prévues dans la loi ASAP. Des dizaines de personnes sont accueillies par les relais des hébergeurs solidaires, mais les réseaux citoyens ont atteint depuis longtemps le niveau de saturation. Les associations du collectif suivent environ une centaine d'hommes, plus ou moins jeunes et à peu près en bonne santé, en errance sur notre territoire, sans aucune solution d'hébergement. Les locataires les plus fragiles ont de plus en plus de mal à payer leur loyer. Si la plupart des expulsions locatives restent suspendues, c'est au prix du siphonnage des réserves du 1%. Plus que jamais, le 115 est saturé et sur une logique de gestion de la pénurie. Donc hébergement de courte durée avec remise à la rue sans solution, recours massif à des hôtels inadaptés, lointains et coûteux, absence d'accompagnement social, etc., etc. Depuis la fin de l'état d'urgence sanitaire, les expulsions se multiplient, que ce soit de campements ou de bâtiments abandonnés, soit environ 550 personnes de plus en errance. Les réseaux de solidarité sur lesquels repose une trop grande partie de l'aide aux plus vulnérables sont également fragilisés par la crise. Les équipes sont réduites, les bénévoles et militants sont épuisés et eux-mêmes fragilisés, et les filets de sécurité qu'ils représentent atteignent leurs limites. Alors que la crise sanitaire a mis en lumière les inégalités de santé et les enjeux de santé publique qui nous obligent à penser un monde d'après, plus protecteur et solidaire, les réponses des pouvoirs publics sont insuffisantes et souvent contradictoires. L'intercollectif dénonce l'écart entre les réponses apportées et la réalité de la situation et demande à la préfecture, aux mairies, à la métropole et au conseil départemental d'agir à la hauteur des enjeux et dans une temporalité qui corresponde à l'urgence de cette réalité. Il est grand temps de mettre en place des solutions sérieuses. Identification des bâtiments vides en vue de leur réquisition, création de places d'hébergement adaptées aux besoins des personnes, renforcement des dispositifs d'accompagnement, etc., etc. Donc l'intercollectif Personnes à la rue demande aux nouveaux élus du Conseil métropolitain d'agir de toute urgence pour trouver collectivement des solutions de mise à l'abri et d'accompagnement des personnes à la rue avant l'hiver et de construire au plus vite le budget de 1% alloué pour la mise à l'abri des personnes en précarité annoncée pendant la campagne municipale. Donc voilà, c'était l'appel donc du collectif, de l'intercollectif Personnes à la rue, un appel à les rejoindre donc vendredi matin à 8h devant la Cité des Congrès, au moment du Conseil métropolitain. Une deuxième annonce, c'est samedi 17 octobre à partir de 20h30 du côté de Saint-Nazaire au local autogéré Les Amis de Mai. Donc le local se situe au 25 boulevard de la Renaissance à Saint-Nazaire. Il y a une discussion autour de la chasse aux sorcières. Avec, alors, à partir de 19h, un repas partagé. Et à 20h30, une intervention, discussion autour de la chasse aux sorcières, des femmes et des balais, les sorcières dans l'histoire, des procès aux symboles féministes. Donc c'est animé par Fanny Bunion, qui est historienne. Et auparavant, donc de 14 à 18 heures, il y aura une permanence exceptionnelle de la bibliothèque anarchiste et féministe des Amis de Mai pour adhérer, emprunter des livres, en offrir à la bibliothèque collective et autogérée. La prochaine permanence aura lieu le samedi 7 novembre, donc tous les premiers samedis du mois. Pour rappel, il y a un infokiosque et des livres à prix libre qui sont aussi à votre disposition au local. Donc, le local autogéré des Amis de Mai. Donc ça, c'est samedi 17 octobre à partir de 20h30 et à partir de 14h pour la bibliothèque. Et samedi aussi, il y a un atelier féministe, corps et sexualité en tout genre. Donc c'est à partir de 13h30, il y a une adresse d'inscription, en fait, un Framaforms. Je peux vous renvoyer sur nantes.indymedia.org parce que l'adresse et le lieu donc de rendez-vous sera indiqué aux personnes qui sont inscrites uniquement. Donc c'est une après-midi pour parler de corps et de sexualité avec des échanges autour des rapports au corps, des sexualités, des notions de consentement, comment le définir, comment déterminer ses besoins et ses limites, découverte des organes génitaux et la notion de plaisir aussi, et la pratique de l'auto-examen. Donc tout ça, donc c'est samedi 17 à partir de 13h30. Donc j'ai oublié de dire que c'était un atelier en non-mixité choisi. Donc c'est-à-dire qu'il est ouvert à toute personne, à l'exception des hommes cisgenres, à savoir donc les hommes qui se reconnaissent dans le genre masculin qui leur a été attribué à la naissance. Et donc le formulaire d'inscription, il y a 10 places maximum. Et la participation, et c'est à prix libre. Donc la participation est à la convenance des personnes participantes et selon leurs moyens. Alors j'ai une dernière annonce, ça fait un peu loin, mais je peux la dire quand même. C'est le 27 octobre, c'est du côté de Rennes, à 20h. Il y a une réunion publique autour des résistances paysannes, ou une autre conception du progrès, avec Sylvia Pérez-Victoria. Donc ça se passe à la Maison des Associations 6 Cours des Alliés à Rennes, donc du côté du métro Charles de Gaulle. Et la paysannerie, je vous lis le petit résumé. La paysannerie a été éradiquée au nom de l'idéologie du développement avec des conséquences sociétales, écologiques et sociales dramatiques. Plus que jamais, il apparaît qu'aucune transformation sociale ne pourra avoir lieu sans une remise en question radicale de la conception d'un progrès fondé sur l'industrie et la technique, et sans redonner une place centrale à la paysannerie. Donc ça, c'est donc le 27 octobre à 20h à Rennes. Alors, j'ai plus d'annonces entre les mains. On peut passer un petit morceau de musique si on a ça en réserve, et on se retrouve après. Du coup, on va passer Rature, Chemine. Me protéger, le rendre sourd à tous ces malheurs. Accumule la rancœur. À courir quand mes proches pleurent. Rêve d'avoir les poches pleines, pas d'une Porsche Cayenne. À la limite, je me vois bien au volant d'une BM. Bref, passons. Rêve d'avoir une maison aux portes toujours ouvertes. Je constate qu'on reste à nos corps toujours inertes. De longs débats, des nuits blanches, la solitude et je planche sur ma page. Page blanche, bien vite raturée, que mes proches soient rassurés. Encore de putain de belles longues années à vivre, pas prête à céder au coup dur, au coup bas, à la maladie. Debout, je reste debout, je reste debout, debout. Entends la rumeur, ma voiture éminée, me bat pour des clopinettes. J'ai cheminé, cheminé, j'ai cheminé, cheminé. Les noms de mes morts gravés dans ma peau, ces souvenirs-là gravés dans mon cœur. Donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi encore. Donnez-moi encore, donnez-moi encore. Donnez-moi encore. Beaucoup de temps est passé, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts pendant que les nôtres on enterre. La vie continue, c'est ce qu'on dit. La vie continue, avec ou sans eux, la vie continue. Je suis toujours là et je me réjouis de ma chance. Qui aurait pu le croire 10 ans en avant? Sur le chemin on avance, sur le chemin on avance. Tête brûlée parmi les anges et les chiens. Je vous dérange, hein? Mes addictions vous arrangent. Dans un même temps, elles affaiblissent ma cervelle. Elles m'affranchissent de vos règles. J'ai la franchise de vous dire, je ne porterai pas votre laisse. Laissez mes rêves de côté et intégrer votre mort, c'est mort. Ingérer vos drogues, les miens s'y perdent vers d'autres cieux. Fuyant la vie, fuyant le vide. Se faire violence, sortir du vice. Nos esprits vifs, puissants, du côté des vivants. Lassez de me démener pour de grandes causes. Nous sommes là pour accomplir de grandes choses. La boîte de nuit, famille d'accueil, la classe auto, le camion grue, le dojo, un sud pour enregistrer les potes. Un putain de parc à Carlo, avec de la place pour tout le monde. Avec de la place pour tout le monde. Pas dépité, on s'en sort, on s'en sortira. Même si le chemin est long et parsemé d'embûches, on s'en sortira, hein. On s'en sortira. Entends-la, entends-la, entends-la, cette rumeur, cette rumeur. Entends la rumeur, me vois-tu ruminer, me battre pour des clopinettes. J'ai cheminé, cheminé, j'ai cheminé, Vous êtes de retour dans l'émission, toujours dans l'émission du magazine Libertaire sur Jet FM. Alors, on arrive à la fin de cette émission. On va vous souhaiter une bonne semaine et on se retrouve mercredi prochain à 12h05. À mercredi. Salut.